Un jour férié qui tombe un dimanche, c'est quand même assez malheureux, mais lui a de la chance, il est en vacances toute l'année. C'est Jean-Michel Maman. Bonjour Jean-Michel. Bonjour Stéphane. Vous vous occupez des guides balado, et les guides balado nous donnent une bonne idée chaque dimanche et chaque samedi sur France Bleu. En ce 15 août, on va partir dans le nord, on va du côté de Lille, enfin 70 bornes de Lille, à Varèmes exactement. Voilà, on part découvrir la région flamande en faisant une superbe rando d'une heure ou d'une demi-journée avec un âne et à bord d'une carriole surtout. Donc là, c'est l'idéal si on veut partir de notre train-train quotidien pour les enfants surtout, hein, et aller se balader avec les enfants, donc sur le dos de ce poney ou de ces ânes. Alors c'est plutôt sur le dos de ces ânes, mais là, j'ai choisi une balade qui est un circuit en carriole d'une demi-journée et on vous apprend une chose qui est fondamentale. C'est le chiffre 7. Pourquoi c'est fondamental le 7? Parce qu'on s'aperçoit qu'il faut 7 secondes pour que cet âne vous sente. 7 minutes de caresse en lui parlant. Si vous passez l'examen, s'il vous accepte, il y a 7 heures de randonnée avec lui. Et 7 heures de plaisir après. Voilà, sinon vous êtes rejeté immédiatement en 7 secondes. Oui, c'est ça. Et on s'envole pour le 7e ciel avec notre ami, l'âne. Donc, ça se passe très, très bien. Ça, les enfants vont adorer. Hein. Voilà, c'est une balade qui se fait au rythme de l'âne. Vous empruntez la route qui longe un canal. C'est tout en douceur. On vous donne même les rênes. Donc vous conduisez, on s'arrête. Il faut savoir que les ânes ont du caractère, mais ils se montrent quand même assez dociles. Si on a une carotte. Voilà, c'est surtout si on les mène d'une main ferme. Sinon, c'est eux qui prennent le dessus et là, ça se passe moins bien. Ah, il faut savoir dompter son âne. Hein, savoir parler à un âne. Pourquoi vous dites ça comme ça en me regardant? Ah, je suis très vexé là tout d'un coup. Très vexé. Et c'est vraiment une balade qui vous permet de découvrir la plaine flamande et ces paysages qui sont vraiment magnifiques. De l'avis de tous ceux qui l'ont fait, c'est une balade qui est un vrai régal. On peut monter sur les ânes cette association propose aussi d'autres balades. On n'est pas forcément avec un attelage. On peut aussi être à dos d'âne. Les enfants aiment des fois marcher à côté de l'âne en tenant les rênes. Donc, c'est quelque chose qui est assez libre. L'intérêt, c'est vraiment d'être au contact de ces ânes et de découvrir ces animaux. Un peu comme Catherine Deneuve dans Peau d'âne, hein, puisque c'est vrai qu'elle avait la peau de l'âne comme ça sur sa peau. Nous, là, cette fois-ci, c'est nous qui sommes sur l'âne, hein, c'est ça. Voilà. Jean-Michel, on se retrouve, bien entendu, prochainement sur France Bleu pour d'autres idées, pour ces idées du guide balado. On va évidemment explorer tout ça sur votre site internet, hein, aussi, qui est le www.balado.fr, où on réécoute la chronique sur francebleu.com. Ben voilà, c'est super. Merci. Merci, bonne balade.